Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, voici une nouvelle édition de l'émission Les bons plans solidaires organisée par le GSA de l'association Arelia. Nous avons passé l'été, bonjour Alain. Bonjour Lionel. Bonjour Bertrand. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Et bonjour Lorraine. Bonjour. Alors ces vacances, ça s'est bien passé Alain? Oui, mais très chaudement. Ah oui, et toi Bertrand? Oui, tranquille, tranquille. D'accord. Et toi Lorraine? Nickel. Eh ben voilà, donc on est en pleine forme pour la rentrée, on sait que c'est pas une bonne période, hein. Mais bon, l'émission va permettre de donner à tous nos auditeurs des bons plans, des bons tuyaux, écouter de la musique. Bref, on va aussi avoir quelques personnalités qui vont venir être interviewées. Une émission qui est riche encore une fois, alors on démarre tout de suite, on n'attend pas, c'est parti. Bonjour Lorraine Payet. Bonjour. Alors dites-nous qui vous êtes et quelle action venez-vous faire découvrir aux auditeurs de Fadjet? Alors du coup, moi c'est Lorraine, je suis éducatrice spécialisée et je travaille actuellement sur la mise en place d'un projet de tiers-lieu, donc le Fais-Tout, et je viens pour vous parler de ce projet. Alors qu'est-ce qu'un tiers-lieu exactement? Car on entend ce terme se répandre de plus en plus souvent en France et autour de Nancy en particulier depuis quelques temps. Un tiers-lieu, de manière générale, c'est un lieu pour faire ensemble. Donc chaque tiers-lieu a sa propre spécificité, son propre fonctionnement, mais tous y permettent de favoriser les rencontres, les interactions sociales, etc. Donc que ça soit des espaces dits de coworking, des ateliers partagés, des espaces dédiés au numérique, etc. Plus largement, c'est des endroits où on crée, on forme, on fait ensemble, on fabrique, on participe, et tout en favorisant le lien social. Et du coup, nous, on s'axe plus vers l'accès à l'alimentation sur ce projet-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet de Fais-Tout que l'association Arelia développe actuellement en lien avec les services de l'État, du secteur, de la solidarité? À quelles personnes s'adresse-t-il? Donc, il s'agit de proposer un espace de proximité permettant l'accès à l'alimentation sous toutes ses formes. Donc, le Fais-Tout, il englobe deux espaces distincts, mais qui sont aussi en lien. Donc, d'abord, on a un Fais-Tout mobile, donc c'est un camion aménagé sous forme de cuisine avec deux postes de travail, enfin de cuisine. Et les personnes pourront venir préparer directement leur repas, voire même les consommer sur place, donc s'ils le désirent. Et d'un autre côté, on a un Fais-Tout fixe, imaginé sur le même principe que le Fais-Tout mobile, mais en fixe. Et du coup, ce projet, il s'adresse à la base aux personnes qui sont hébergées sur les dispositifs hôteliers d'urgence. Mais pendant la phase de réflexion, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup, finalement, de nombreuses personnes qui pourraient être concernées par ce projet. Et du coup, il s'adresse vraiment à toutes les personnes en situation de précarité alimentaire, donc c'est-à-dire qui n'ont pas la possibilité de se faire à manger ou par manque de ressources, de matériel, etc. Donc si j'ai bien compris, il s'agit d'une initiative pour aller vers des personnes et des associations, des dispositifs, des collectifs citoyens, des services sociaux associatifs, des mairies, des départements. Pouvez-vous me donner quelques exemples d'actions que vous menez ou allez mener dans les prochaines semaines? C'est ça. Du coup, on est d'abord parti à la rencontre de plusieurs partenaires. Donc d'abord pour faire un état des lieux des besoins et aussi parce que ce projet, on le co-construit avec tous nos partenaires. Donc pour l'instant, on est encore en phase de réflexion, mais ça se lance tout doucement. Tout est à imaginer et tout est à construire. On commence doucement, on va faire d'abord quelques ateliers par-ci par-là, quelques interventions, souvent en lien avec nos partenaires du coup. D'accord. Alors exemple concret, même si ce sujet n'est pas facile à aborder avec une personne que l'on ne connaît pas, même si c'est encore l'été, enfin plus vraiment parce que maintenant ça commence à devenir l'automne, ce n'est pas forcément une belle période pour beaucoup de monde. Alors voilà, je vis dans un logement très vétuste et je ne peux pas me faire à manger correctement le 15 du mois. Je ne peux pas correctement me faire à manger, en fait, du tout. Parce que le 15 du mois, j'ai dépensé toutes mes ressources pour mon alimentation, sandwich, pizza, kebab et autres, et je voudrais sortir de cette spirale infernale, car le reste du mois, je mange peu et certains jours pas. Ou alors, je n'y connais pas grand-chose en cuisine et j'aimerais avoir de bons conseils et venir et faire tout. Venir au Fais-Tout fixe ou au Fais-Tout mobile. Je vous contacte comment et qu'est-ce que vous allez me répondre et me proposer? Alors oui, n'hésitez pas à nous contacter, donc soit par mail, donc l'adresse c'est tiers.lieu@arelia-du6asso.fr ou même par téléphone, donc moi c'est le 06 77 39 28 15. On a aussi mis en place une page Facebook donc qui s'appelle Le Fais-Tout. Et cette page, elle va permettre d'informer en temps réel sur les arrêts, les itinéraires prévus pour le Fais-Tout mobile, mais aussi les temps d'ouverture du Fais-Tout fixe. N'hésitez pas à nous contacter. Bon, bah merci pour cette formidable initiative. Auriez-vous un dernier message ou appel aux auditeurs qui nous écoutent ce midi sur Fadjet? Je pourrais ajouter que le Fais-Tout est ouvert à tous et à toutes. N'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil ou même à en parler autour de vous, ça peut intéresser des gens. Bien, bah merci beaucoup de vos venues, Lorraine Payet. On souhaite vraiment beaucoup de succès à cette belle initiative. Venez nous revoir dans quelques mois et on fait le point. On aime bien ces initiatives dans les bons plans solidaires. Restez en contact avec les initiatives que l'on présente et savoir ce qu'elles deviennent au fil du temps. Bah merci pour l'invitation et puis je reviendrai avec plaisir. Bah belle journée à vous et à bientôt. Au revoir. Eh bien, merci Bertrand pour cette interview. Et maintenant, il est l'heure de retrouver Alain. Alain, tu vas nous parler de la rentrée scolaire. Oui, les bons plans de la rentrée scolaire. Réutiliser les affaires de l'année passée, qu'ils restent dans le cartable. Crayons, stylos, classeurs et les cahiers de brouillon. Il n'est pas nécessaire d'acheter des produits de marque. Rapport qualité-prix est pareil. Les bourses de la rentrée scolaire, ça c'est des bonnes affaires à tous les coups. Il est aussi possible que les grands donnent leurs affaires aux plus petits. Ça fera beaucoup d'économies pour la famille. Il existe aussi sur le net des bourses aux livres. Il est possible d'échanger des livres et des affaires scolaires qui feront une très bonne économie. N'oubliez pas de préparer un petit déjeuner copieux pour vos enfants et à goûter pour la récré. Sur ce, bonne rentrée aux enfants ainsi qu'aux parents. Eh bien, merci Alain pour ce rappel des bonnes consignes et des conseils de la rentrée. Il est l'heure maintenant de faire notre première pause musicale. On va écouter un tube que vous avez sans doute entendu pendant les vacances. C'est Camila Cabello et Ed Sheeran dans Bam Bam. Allez, Bam Bam, et on se retrouve juste après. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love. Après cette chanson, il est l'heure de retrouver Bertrand. Bertrand, tu vas nous parler des assurances scolaires. C'est vraiment pile poil la rentrée. Oui. C'est à toi. Oui, donc chaque année, à la même période de rentrée, se pose la question de savoir s'il faut prendre une assurance scolaire pour son enfant. Alors, l'assurance scolaire est-elle obligatoire ou facultative? Alors, contrairement à ce qu'on pense souvent, l'assurance scolaire n'est pas obligatoire. Parce que l'école étant obligatoire, on ne peut pas forcément obliger les gens à s'assurer pour un truc pour lequel ils n'ont pas choisi de... Voilà, ils sont obligés de mettre leurs enfants à l'école. Alors, dans le cadre de la stricte présence à l'école et dans les horaires de l'école, l'assurance n'est absolument pas obligatoire. Maintenant, si vous souhaitez mettre vos enfants à la cantine, l'assurance est obligatoire puisque la cantine ne fait pas partie du programme scolaire. Alors, une petite question quand même. Quand tu dis que l'assurance n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que les enfants, ils ont quand même une assurance de par l'assurance de leurs parents? Obligatoirement, puisque les parents sont systématiquement ça n'existe pas les gens qui n'ont pas d'assurance responsabilité civile, puisqu'ils sont assurés, soit s'ils ont une voiture, ils sont assurés pour leur voiture et il y a la responsabilité civile qui va avec. S'ils ont habitent un logement, généralement, c'est souvent le cas, les gens habitent quelque part, donc ils ont aussi une assurance pour leur habitation et il y a la responsabilité civile avec. D'accord. Et quand vous êtes chef de famille, père de famille, mère de famille, etc., vos enfants sont sous votre responsabilité, donc font partie de votre responsabilité civile. Lorsque tu parles d'assurance obligatoire, tu parles des assurances que propose l'école aux enfants et aux parents. Voilà. Des fois, ça fait double emploi parce que les parents ont de fait déjà une assurance. Exactement, les parents sont déjà assurés en responsabilité civile. Alors autrement, c'est pour toutes les activités qui sont un petit peu hors temps scolaire. Donc les classes de neige, les classes vertes, les activités sportives en dehors de l'école, etc. Mais autrement, pour ce qui est strictement du cadre scolaire à proprement parler, normalement les enfants n'ont pas besoin d'être assurés. Et donc il faut bien vérifier son assurance privée, si on peut dire, pour voir si éventuellement il y a une défaillance. Mais normalement, il n'y a pas. Donc ça, c'est pour l'école publique en fait, hein, parce que l'école privée, c'est encore autre chose. Puisque donc dans une école publique, on ne peut pas vous refuser l'inscription si vous n'avez pas une assurance. Maintenant, une école privée peut parfaitement vous demander 25 000 assurances, ils font ce qu'ils veulent. Parce que la différence entre l'école publique, il faut savoir ça, l'école publique dépend donc, dans vos rapports avec l'école publique, vous dépendez du code civil comme pour tout le machin, mais surtout du code de l'éducation. Et si vous avez des problèmes à l'école, ça sera le tribunal administratif. Alors que si vous faites scolariser vos enfants dans le privé, vous dépendez du code de la consommation, puisque vous êtes considéré comme un consommateur, et du tribunal judiciaire. Donc voilà pour l'essentiel. Donc avant de signer pour une assurance scolaire, vérifiez bien déjà les contrats que vous avez avec votre assurance, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doublons. Eh bien merci Bertrand pour cette bonne chronique. C'est vrai qu'il faut toujours rappeler ça. C'est toujours très utile. Eh bien, il est temps maintenant de retrouver notre premier invité. Bonjour Tony. Bonjour Lionel. Vous êtes le responsable du tiers-lieu Les Petits Débrouillards, la piscine à Maxéville. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours, ce qu'est un tiers-lieu et ce qu'est la piscine à Maxéville? Alors moi, mon parcours, je suis issu du journalisme et de la psychologie, mais j'ai fait mes armes dans l'associatif depuis quelques années à Nancy. Et donc c'est ce qui m'a amené à aller vers cette mission. Donc un tiers-lieu, en fait, c'est un peu un espace entre la maison et le travail. L'idée, c'est d'avoir une communauté de gens qui s'entraident, qui partagent des connaissances, qui partagent des expériences dans un lieu qui leur est dédié. Et donc l'objectif de ce lieu, la piscine, donc oui, il y a une piscine, je le suspecte tout de suite, hein. Y a bien une piscine qui a été active tout cet été, qui le sera peut-être au courant septembre et début octobre aussi également, si le temps le permet. L'idée dans ce lieu, c'est de pouvoir échanger des connaissances, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir assurer un brassage de différents types de populations, et que finalement, le prétexte de la piscine nous permette de proposer des animations scientifiques, du conseil numérique, des actions autour de la réparation de PC, notamment. Il y a plein de choses qui s'y passent pour le coup, mais je pense qu'on va en parler après. D'accord, oui, tout à fait. Vous nous avez invité dernièrement à découvrir et visiter ce lieu et ce qui se passait dans cet endroit, c'est-à-dire de nombreuses actions et d'activités en lien avec de nombreux partenaires. Pouvez-vous nous détailler, peut-être pas de manière exhaustive, mais en tout cas tout ce qui se passe à la piscine? Alors il se passe énormément de choses, c'est un très grand local, en fait c'est des anciennes salles de squash où les box ont été, sont restées en fait, donc ce qui fait un espace assez impressionnant. Donc on a notamment des associations qui viennent stocker leur matériel comme Greenpeace, Oxfam, on a un Fab Lab, alors je sais pas si vous savez ce que c'est autour de la table un petit peu. Allez-y. Un espèce d'atelier de grand-père avec beaucoup de matériaux, beaucoup d'outils, des imprimantes 3D, une découpeuse laser à bois, et l'idée c'est en fait dans ce Fab Lab de créer une communauté qui existe déjà et qui pareil s'échange des connaissances autour du bricolage. Ça peut être pour du prototypage, ça peut être pour créer un objet, un cadeau pour quelqu'un, ou simplement pour aussi travailler sur de la robotique notamment. On a aussi des conseillers numériques donc, qui sont présents sur place les vendredis et samedis, qui font de l'accompagnement aux démarches administratives, qui font de la prise en main de PC pour des personnes qui sont un peu éloignées du numérique. Et on fait également les repair PC, donc on invite les gens à venir avec leur propre PC défaillant et on les aide à apprendre à le réparer. Le lieu est porté par Les Petits Débrouillards, qui est une association d'animation scientifique qui propose dans les cités, les MJC, les écoles et aussi au sein du tiers-lieu des mini-stages autour de la science pour se poser des questions sur les grands phénomènes de la biodiversité ou de notre chère planète Terre, dans l'optique effectivement de réussir à émanciper un petit peu sa pensée. Et puis après on a plein d'autres choses qui se greffent au fur et à mesure. On a une friperie solidaire zone de gratuité par une association qui s'appelle le Café Frippé, on a une AMAP par l'association Les Semeuses qui sont alors, installées à Bure. Une AMAP, alors c'est une distribution de légumes en fait, une d'accord. distribution de légumes bio. Toutes les semaines ils viennent, on peut acheter son panier à l'avance à un prix symbolique et puis avoir des légumes qui sont bio, éthiques et puis qui en plus servent une cause. Donc voilà, il y a plein de choses qui s'y passent. Et puis évidemment, on a un potager partagé, un très beau jardin et une belle piscine qui n'est pas active l'hiver car elle n'est pas chauffée. Mais bon, pour les courageux, vous pouvez venir si vous voulez. S'il y a des Nordistes et Suédois. Voilà, exactement. Ce sera pour les touristes. D'accord. Et d'ailleurs, les petits débrouillards, même si certains ne connaissent peut-être pas encore, nos auditeurs ne reconnaissent pas encore, c'est très connu puisqu'ils ont participé et participent activement à des émissions de télévision. Vision célèbre. Bien sûr, effectivement, c'est pas sorcier notamment. Voilà. Donc il y a eu même des projets qui ont été lancés en lien avec cette émission. Donc il y avait le Science Tour à l'époque donc on a deux camions qui parcourent un petit peu le territoire pour aller justement parler de science, créer des expériences un peu ludiques, manier soi-même un petit peu les différents éléments pour aussi mieux les appréhender, mieux les comprendre. Et effectivement, c'est un mouvement national très large. Qui, pour le coup, ici, s'est implanté dans un tiers-lieu, dans l'idée de créer une communauté autour de la science, autour de l'éducation, et qui soit populaire, pour le coup. Donc, c'est vraiment les objectifs de cette association qui sont liés aussi aux objectifs de ce tiers-lieu qui se veut populaire et éducatif. Tout à fait. Alors, vous l'avez déjà dit deux fois, il y a une piscine, ça nous rappelle les vacances, l'été, d'où le nom de ce tiers-lieu. Qui peut y venir et comment cette activité-là et les autres fonctionnent ? Alors, c'est ouvert à tout le monde. Le lieu est ouvert à tout le monde. Nous, on peut recevoir nos adhérents. Donc, une adhésion, elle est à 5 euros par an au premier prix. Si jamais vous voulez soutenir un peu plus l'association, évidemment, vous pouvez donner plus, mais l'adhésion de base pour une année civile, pour le coup, elle est de 5 euros. L'accès à la piscine, pendant l'été en tout cas, est à 2 euros par après-midi. On est ouvert quasiment tous les jours de 14h à 18h, avec des animations aussi un petit peu plus longues et un petit peu plus festives le week-end, voilà, pour le coup. On en reparlera. C'est finalement un lieu participatif et en même temps militant. Comment cela fonctionne-t-il au quotidien ? Alors, déjà, il faut avoir le lieu, il faut avoir l'espace pour créer quelque chose de militant, de communautaire, de participatif. Donc, ce lieu, on l'a. Maintenant, tout réside dans l'animation, pour le coup. L'idée, c'est de créer des espaces ou des projets qui vont permettre aux gens de se rencontrer, qui vont permettre aux gens de faire société, parce que ce lieu est à eux, finalement. Et donc, il appartient à une association, il est porté par une association, mais l'idée, c'est que les gens s'en saisissent. Par exemple, j'ai en tête un papa qui vient apprendre avec sa fille à jardiner. Et puis sa fille découvre le jardinage. Du coup, ça fait vivre un petit peu ce potager partagé. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont se greffer. On a d'autres personnes, des personnes réfugiées, par exemple, qui viennent aussi travailler le bois. D'autres personnes qui vont vouloir réparer des PC portables. Voilà, l'idée, c'est que chacun puisse y trouver son compte. Et puis que chaque personne qui vient dans le lieu et qui veut y proposer quelque chose, on puisse lui mettre à disposition les moyens de réaliser ses projets. Et qu'il puisse aussi le transmettre à d'autres qui peuvent être intéressés. Exactement. Et la chaîne démarre comme ça. Exactement. On a un tailleur de pierre qui veut réaliser 2-3 trucs. Et bah, l'idée, c'est de mettre aussi un groupe d'enfants et un groupe d'adultes avec lui pour qu'ils puissent monter en compétences, notamment là-dessus. D'accord. Alors, en plus des activités régulières, vous organisez aussi des événements. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns là, qui sont en préparation pour la rentrée ? Alors, on a plusieurs événements qui sont en préparation pour la rentrée. On a notamment ce qu'on appellera les Custom Cafés. Donc, l'idée, c'est de venir avec ses propres vêtements qui sont parfois troués, qu'on aime beaucoup, qui sont parfois abîmés, qu'on aime beaucoup, et d'être accompagné par 2 couturières créatrices professionnelles pour comprendre comment finalement les réparer seuls. Comment apprendre à les réparer seuls et à les remettre en état. Donc déjà, il y a la valeur affective qu'on garde pour le coup avec son vêtement. Puis il y a un côté, évidemment, anti-gaspillage et écologique. Il y a d'autres projets, notamment autour des Jeux Olympiques, parce qu'on est missionné, l'association est missionnée pour créer de l'animation autour de l'initiation au sport et à la technique et au tout ce qui se passe un petit peu autour du sport. Donc il y aura certainement une animation, j'en dirai pas plus pour l'instant, je vous tease ça un petit peu comme ça, mais on fera des animations autour des JO notamment, et puis après surtout l'hiver, on aura classiquement les Repair PC qui continuent, les Bistrolabs qu'on appelle, c'est comme des réunions d'information si vous voulez venir découvrir le tiers-lieu, voir comment il fonctionne, on propose une réunion par mois d'information, donc voilà un petit peu la programmation. Donc je récapitule. Je veux être abonné, je viens, je paye une cotisation à l'année, et de là, il peut m'être proposé, ou je peux proposer des tas d'activités qui me feront plaisir, mais qui feront plaisir aussi à d'autres. Tout à fait. Tu peux venir proposer des activités, mais tu peux venir aussi profiter pour le coup. Voilà. Si tu viens profiter 4-5 jours, et puis qu'un jour, tu as finalement une idée qui te vient, et ben à ce moment-là, on enclenche la chose. C'est vrai que le côté sympathique et finalement le produit d'appel, c'est la piscine. On a aussi une buvette associative et de la petite restauration qui va autour. Donc c'est vrai que c'est assez sympathique quand il fait beau. Mais pour le coup, il y a aussi cette dimension de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, très modestement. Mais c'est vrai que finalement, c'est la synergie et la cohésion qui se crée à l'intérieur du lieu entre les êtres humains qui le fait vivre. Donc c'est très très dépendant de la volonté de chacun finalement. Vous nous rappelez les coordonnées, les horaires d'ouverture de... Oui, bien sûr. Ah bah alors du coup, pour étant donné qu'on est en septembre, la piscine elle est ouverte du lundi au samedi de 14h à 18h, donc en tout cas pour le bassin. Après, le lieu est ouvert de 9h à 18h tous les jours, hormis le dimanche. Et en soirée, lorsqu'il y a des manifestations. Et en soirée, voilà, sur des projets particuliers. Donc ça, il faut effectivement nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Et vous pouvez également retrouver le programme tous les mois sur le site tierslieulapiscine.org. Sinon, n'hésitez pas à nous appeler. Vous trouvez notre numéro sur Internet assez facilement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je crois qu'en général, il vaut mieux aller soi-même dans un lieu pour pouvoir le découvrir. On voit toujours mieux de ses propres yeux. Complètement. Voilà. D'autant plus qu'on est super bien accueillis. Ah, donc, bon, c'est ça fait plaisir. C'est encore plus agréable. Eh bien, merci Tony de votre venue dans notre émission sur Fadjet. Je suis sûr que plein de personnes vont être curieux d'avoir écouté cette interview et vont vite vous contacter. En tout cas, nous à la Dream Team, nous sommes pas seulement emballés par cette belle initiative, mais nous avons déjà pris notre adhésion. on ne peut que vous souhaiter une bonne réussite à la piscine et je pense que nous nous retrouverons très vite et même pour faire une émission depuis ce bel endroit. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, à bientôt. Allez, il est temps maintenant de faire notre deuxième pause musicale. Allez, on va fêter un anniversaire. C'est les 40 ans d'une chanson qui a été connue dans le monde entier, qui s'appelle September, et ça tombe bien, on est en septembre, du groupe Earth, Wind & Fire, qui a été 24e au top 50 en 1982, et qui a été 10e dans les charts américains, et qui a eu un succès vraiment planétaire. Alors, c'est la rentrée, mais on danse September, Earth, Wind & Fire. Yeah. Allez, après cette petite page funky, on se retrouve, on arrive bientôt déjà à la fin de l'émission. On accueille Lorraine. Lorraine, bonjour. Bonjour. Dis-moi, dans le cadre de l'activité Faitout qu'on a déjà présenté, tu vas nous donner une petite recette très sympa pour le mois de septembre, qui est vraiment pas cher et qui est très très bon. Oui, du coup, je vais vous présenter la recette de la soupe aux oignons. Du coup, pour 4 personnes, il vous faudra 4 gros oignons, environ 20 g de beurre, une cuillère à soupe de farine. Alors, en option, c'est 10 centilitres de vin blanc, mais vous n'êtes pas obligé. 1 litre d'eau, 1 cube de bouillon de volaille, du pain, donc soit une baguette un peu dure, soit du pain de mie, et les condiments, du sel, du poivre. Donc déjà, commencez par par faire frémir l'eau avec le cube de bouillon. Pendant ce temps, épluchez et coupez finement les oignons, puis faites-les revenir dans du beurre jusqu'à ce qu'ils soient tendres et légèrement dorés. Ensuite, vous saupoudrez de farine, puis vous mélangez. Vous faites déglacer avec le vin blanc ou le bouillon si vous ne prenez pas de vin blanc. Et vous remuez jusqu'à évaporation. Ensuite, vous ajoutez progressivement le bouillon, puis vous assaisonnez à votre convenance. Couvrez et laissez bouillir pendant environ 30 minutes, à surveiller et à ajuster. Et plus la cuisson est longue, meilleure la soupe sera. Pendant ce temps-là, coupez le pain en croûtons et faites-le griller. Et pour les plus gourmands, je vous conseille de disposer les croûtons dans un bol, de mettre la soupe dessus et de mettre du fromage râpé par-dessus et de faire gratiner au four. Et puis après, c'est prêt. Bon appétit. Voilà. Oh, la soupe aux oignons, la soupe à l'oignon, ça nous rappelle des bons souvenirs tout ça. C'est une spécialité chez les Laura, surtout le matin très tôt, les week-ends. Lorraine, merci pour cette belle recette, et puis je te propose même de revenir tous les mois pour nous faire une petite recette du Faitout. Oui. Eh bien merci, à bientôt. Allez, on retrouve une dernière fois Bertrand, tu vas nous faire un petit peu l'agenda des sorties et des manifestations pour septembre et tout début octobre sur Nancy. Oui, alors rapidement, donc il y a le livre sur la place qui revient chaque année, donc aujourd'hui, 9 septembre jusqu'au 11 septembre, cette année c'est présidé par Didier Decoing, le président de l'Académie Goncourt, c'est la 44e édition, et vous la retrouverez, donc une édition marquée par le bicentenaire de la naissance du Nancéen Edmond de Goncourt, et vous retrouverez donc cette manifestation sur la place de la Carrière. À partir d'aujourd'hui. Vous aurez également les jardins éphémères de la place Stanislas à partir de demain jusqu'au 4 novembre. Donc du 10 septembre au 4 novembre, 19e édition de cette manifestation qui aura pour thème cette année le feu effleure. Et puis je voudrais également rappeler un rendez-vous qui aura lieu à partir du 1er octobre, du 1er au 15 octobre à Nancy dans toute la région pour les 49 ans du festival de Nancy Jazz Pulsation. Et on fait un coucou à toute l'équipe du NJP qui doit bosser dur pour les 40 ans. Voilà. Et accessoirement, je voulais signaler qu'il y avait une très belle exposition, Le Verre en Lumière, qui se déroule jusqu'au 31 octobre à la CCI de Meurthe-et-Moselle, Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe-et-Moselle, au 53 de la rue Saint-Islas. 2022, année internationale du verre, décrétée par l'ONU. Cette exposition, c'est du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 18h. C'est gratuit, c'est une belle exposition. Nous l'avons visitée au GSA et sincèrement, ça mérite le coup d'œil. Et puis, très accessoirement, vous avez également une petite manifestation Les secrets d'un grand magasin. Ce sera le 17 septembre au printemps à Nancy. Vous avez donc, c'est gratuit, l'inscription est obligatoire avec 15 places par session. Donc vous avez une session à 10h30, une autre à 14h, une autre à 15h30 et une autre à 17h. Le printemps Nancy, c'est l'unique grand magasin de la ville. Il a été créé à la fin du 19e siècle sous l'enseigne des magasins réunis. Son histoire riche fait partie du patrimoine culturel nancéen. Et donc pour les vieux nancéens, les magasins réunis, c'est quand même une institution. Et pour les plus jeunes ou ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion peut-être de découvrir. Il la donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de place, donc il faut éventuellement se dépêcher pour prendre rendez-vous. Bon, voilà pour l'essentiel des manifestations en septembre. Eh bien, merci, c'est des bonnes nouvelles et en plus c'est gratuit, donc profitons-en. Merci beaucoup, Bertrand. Et maintenant, on retrouve une invitée pour cette rentrée, parce qu'il faut rester quand même positif. Alors, on accueille Cécile Lemaire. Bonjour Cécile. Bonjour, ça, bonjour Lionel. Vous êtes du Centre culturel André Malraux et c'est Bertrand qui va vous interviewer. Bonjour Bertrand. Bonjour Cécile, bienvenue une nouvelle fois dans l'émission des bons plans solidaires. Comment allez-vous ? Eh bien, je vais plutôt bien pour une rentrée. Les vacances m'ont fait beaucoup de bien. Et puis voilà, comme on avait préparé un beau programme pour la rentrée, on reprend sur les chapeaux de roue avec la bonne humeur. Alors on se connaît bien, mais pour les nouveaux auditeurs de Fadjet, vous nous rappelez qui vous êtes et ce que vous faites dans le monde de la culture. Oui, donc je suis Cécile, je travaille au Centre culturel André Malraux, que l'on appelle aussi CCM, à Vendeuvre, qui n'est pas loin, Vendeuvre, hein, je le précise. Le CCM, c'est un lieu de diffusion de spectacles vivants, du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque. Et ma mission est de faire en sorte qu'un maximum de personnes se rendent au CCM, voir des spectacles ou des expositions, participer à des ateliers, etc. Et de faire en sorte qu'ils ou elles s'y sentent comme à la maison. Alors, il y a quelques semaines, vous avez révélé à vos adhérents, à l'occasion d'un événement, la programmation de la saison 2022-2023 au CCAM. Alors, quel va être ce programme ? Alors, étant donné qu'il y a plus de 53 propositions, je ne vais pas vous faire l'annuaire des propositions aujourd'hui, mais je vais vous faire un résumé. Une chose est sûre, c'est qu'il y en aura pour tous les goûts. Des spectacles en extérieur, autour d'un banc ou en forêt, de la musique pour toutes les oreilles, des expositions photos, vidéos, peintures, de quoi faire rêver les petits à partir de 3 ans et les grands, de l'humour, des sujets d'actualité, de la danse orientale suivie d'un repas participatif, du hip-hop, les deux mélangés, de la danse soufie, des spectacles de l'adolescence, des fantômes de la politique, des amitiés, des poétesses arabes, des séances de cinéma et un spectacle participatif. Et ça, c'est un résumé. Non, c'est énorme. Alors, il est vrai que souvent, on pense que l'accès à la culture via les scènes nationales est élitiste et pour un public initié et connaisseur. Pour bien connaître le CCAM au bon plan solidaire, il s'agit vraiment d'un a priori et la réalité en est tout autre, n'est-ce pas ? Donnez-nous quelques exemples concrets. Alors à ça, j'ai envie de répondre qu'il suffit de se dire que chacun est riche de sa propre culture. Vous pensez qu'au CCAM, il y a une culture comme ça sur un podium, mais pas du tout. Il y a plein de cultures différentes. Comme vous, vous avez des cultures différentes. Voilà, certains spectacles ne me sont pas accessibles à moi, mais peut-être qu'ils vous le seraient à vous. Et puis aussi, de nombreux artistes se produisent sur la scène. Ils viennent tous d'univers différents et ils nous racontent, chacun à leur manière, des histoires qu'ils souhaitent nous raconter. Certains emploient des métaphores ou des mots compliqués, et puis il y en a d'autres qui préfèrent les images, de la musique. J'ai pour habitude de dire qu'au CCM, il y en a vraiment pour toutes et pour tous, et pour tous les goûts. Il suffit d'être curieux ou de se renseigner auprès de moi. Et pour les exemples, je vous inviterai à aller voir Nat Chav en mars. C'est un magnifique spectacle en théâtre d'ombre qui vous dévoilera les coulisses d'un cirque, le tout accompagné d'une musique live. Et en décembre, vous pourrez vous remémorer votre adolescence, même si ce n'est pas forcément des bons souvenirs pour tout le monde, à travers le spectacle Devenir. Alors Cécile, comment va la culture sur Nancy, l'agglomération en général, et le CCM en particulier, après plus de 2 ans de pandémie et toujours cette même crainte d'une reprise ? La situation est-elle désastreuse, comme on pourrait le penser, ou les beaux jours reviennent ? Bon, je ne vais pas vous cacher qu'effectivement, on a eu du mal à faire revenir le public, mais le public revient peu à peu. Il va falloir un petit peu de temps pour qu'on puisse retrouver tous l'enthousiasme du partage, de se retrouver ensemble, de la convivialité. Mais au moins maintenant, quand on le fera sous des bonnes conditions sanitaires. Alors sur toute la programmation de la saison 2022-2023, si vous aviez 3 suggestions à nous faire à l'équipe des bons plans solidaires et aux auditeurs de Fadjet, quelles seraient-ils ? Une question bien difficile, je pense, au vu de la diversité des choix retenus. Alors les incontournables à mes yeux seraient... Alors si vous avez de quoi noter, c'est bien, sinon vous essaierez de récupérer un programme du CCM. Le 28 février, un spectacle qui s'appelle « The Quest ». Alors ça, c'est un spectacle plein d'humour. C'est Cédric Eckhout, il s'appelle, qui est belge, qui fera le parallèle entre le divorce de ses parents et la construction européenne. Alors comme ça, ça paraît bizarre, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur scène, il sera accompagné de sa mère, sa vraie mère, qui préparera des frites, et de son chat Jésus. Alors vous le voyez pas à la radio, mais son chat Jésus, c'est une grande mascotte qui fait de la musique live sur scène. Voilà. Alors ça, c'est le premier. Le deuxième, ce serait encore une fois Nat Chav, le 15 mars. Donc c'est un spectacle de théâtre d'ombre à partir de 8 ans. Mais à partir de 8 ans, ça ne veut rien dire. C'est vraiment un spectacle de magie. Vous y allez, vous vous laissez emporter et vous retrouverez un petit peu de votre enfance. Et enfin, fin mars, vous aurez un spectacle qui s'appelle Oum, qui est un magnifique spectacle de danse contemporaine, orientale et de hip-hop, sur des musiques d'Oum Kalsoum. C'est une ode au voyage et au partage. Alors cette année, l'équipe des bons plans solidaires est venue vous rencontrer et vous leur avez fait découvrir le CCAM par un jeu d'escape game. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer cette action ? Et ensuite, si je suis animateur, par exemple, ou président d'une association qui souhaite découvrir le CCAM, pouvez-vous proposer cette découverte à tout le milieu associatif de Vendeuvre et de Nancy et sa banlieue ? Alors, il ne faut pas venir tous en même temps, mais oui, il s'agit d'un jeu permettant de découvrir les coulisses du CCAM. On y aborde toutes les étapes qui précèdent l'accueil d'un spectacle. Le pitch est le suivant. Vous travaillez au CCAM et à 17h, vous vous apprêtez à rentrer chez vous quand 7 personnes se présentent à l'accueil. Elles s'excusent de leur retard, mais vous assurent qu'elles seront prêtes à temps pour la représentation. Vous retournez au bureau, personne n'est au courant. Mais l'information est bien notée dans le logiciel. Mince, qu'à cela ne tienne, vous aurez une heure pour tout mettre en place. Les costumes, les affiches, les billets, les contrats, les projecteurs, tout ça, tout ça. Tout groupe à partir de 5 personnes peut profiter de cet escape game. C'est gratuit. Il suffit de me contacter. Alors via la plaquette ou est-ce que j'ai le droit de donner mes coordonnées? Donc c'est le 03 83 56 84 23 ou à Cécile sans, en minuscule sans accent @centremalraux.com. Alors juste une petite précision, on l'a fait, donc comme tu dis Bertrand, au printemps dernier, et vraiment on s'est régalé. C'est vraiment, on se retrouve vraiment dans le vif du sujet et on découvre tout, y compris les petits raccois du CCM, où il y a des anciennes décos, etc. C'est vraiment super. Je conseille à toutes les associations de prendre contact avec Cécile et de venir faire un petit tour, faire ce jeu-là, parce que on comprend et la culture et comment fonctionne aussi un centre culturel. Bah Cécile Lebert, nous vous remercions de votre venue au Bon Plan Solidaire. Souhaitez-vous rajouter quelque chose ? Ah bah merci à vous pour l'invitation. Je rajoute encore une fois que le CCM il est ouvert pour tout le monde. Que je peux ajouter que le tarif minimal donc pour les personnes qui touchent les minima sociaux ou des personnes qui nous en feraient la demande, la place est à 4 euros. Mais qu'en discutant avec moi, donc Cécile, si c'est nécessaire, la place peut être gratuite grâce à un dispositif de billets suspendus. On propose de nombreux événements gratuits, des ateliers, du cinéma. Et puis, si vous avez envie de vivre une expérience participative et de monter sur les planches, il y a un spectacle cette saison qui est fait pour vous. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Eh bien, merci Cécile. On vous souhaite une belle année de culture et une belle rentrée au CCAM. À bientôt. Merci, belle rentrée à vous aussi. Et voilà, il est quasiment 13h, il est l'heure de terminer notre émission. J'espère que vous avez passé toutes et tous un bon moment. On se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, ça va être l'heure du 13 en forme. On accueille nos collègues et on se dit à très bientôt. Bonne rentrée à tous, à bientôt, ciao ciao.